La Bible David Martin 1744. Le premier livre des Chroniques, chapitre 1. Adam, Seth, Enoch. Kenan, Mahalaleel, Jared, Enoch, Methuselah, Lémec. Noé, Sem, Cam, et Japhet. Les enfants de Japhet furent, Gomé, Mago, Madaï, Javan, Tubal, Mézec, et Tira. Les enfants de Gomé furent, Askenaz, Diphat, et Togarma. Et les enfants de Javan furent, Elisam, Tarsa, Kittim, et Rodanim. Les enfants de Cam furent, Cu, Mitzraïm, Pu, et Canaan. Et les enfants de Cu furent, Seba, Avila, Sapta, Rama, et Saptka. Et les enfants de Rama furent, Seba et Dedan. Cu engendra aussi Nimro, qui commença d'être puissant sur la terre. Et Mitzraïm engendra Ludim, Anamim, Léabim, Naphtuim, Patrusim, Kasseluim, desquels sont issus les Philistins, et Kaphtorim. Et Canaan engendra Sidon son fils aîné, et Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, et les Amatiens. Les enfants de Sem furent, Elam, Assur, Arpaxa, Lu, Aram, U, Ul, Gété, et Mézec. Et Arpaxa engendra Sela, et Sela engendra Ébé. Et à Ébé naquirent deux fils, l'un s'appelait Pél, car en son temps la terre fut partagée, et son frère se nommait Joktan. Et Joktan engendra Almoda, Seleph, Hatsarmavet, Jera, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ophir, Avila, et Jobab, tous ceux-là furent les enfants de Joktan. Sem, Arpaxa, Sela, Ebé, Pél, Réu, Seru, Nakor, Taré, et Abraham, qui est Abraham. Les enfants d'Abraham furent, Isaac et Ismaël. Ce sont ici leurs générations. Le premier-né d'Ismaël fut né Bajot, puis Kédar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Ada, Tema, Jetur, Naphi, et Kedma, ce sont là les enfants d'Ismaël. Quant aux enfants de Ketura concubine d'Abraham, elle enfanta Zimram, Joksan, Médan, Madian, Jisba, et Sua, et les enfants de Joksan furent, Seba, et Dedan. Et les enfants de Madian furent, Epha, Ephé, Hanok, Abida, et Eldaa. Tous ceux-là furent les enfants de Ketura. Or Abraham avait engendré Isaac, et les enfants d'Isaac furent, deux accentégues à Utrema, et Israël. Les enfants de accentégues à Utrema furent, Eliphaz, Réuel, Jéhu, Jalam, et Cora. Les enfants d'Eliphaz furent, Téman, Omar, Séphi, Gatam, et Kenaz, et un à lui enfant à Amalek. Les enfants de Réuel furent, Nahat, Zira, Sama, et Misa. Et les enfants de Seir furent, Lotan, Sobal, Sibon, Anna, Dizon, Etsé, et Dizan. Et les enfants de Lotan furent, Ori, et Omam, et un affusseur de Lotan. Les enfants de Sobal furent, Alian, Menahat, Ebal, Séphi, et Onam. Les enfants de Tsibon furent, Aja, et Anna. Les enfants d'Anna furent, Dizon. Les enfants de Dizon furent, Enram, Esban, Jitran, et Kéran. Les enfants d'Atsé furent, Bilan, Zahavan et Jaakan. Les enfants de Dizon furent, U, et Aran. Or ce sont ici les rois qui ont régné au pays d'Édom, avant qu'aucun roi régnât sur les enfants d'Israël, Béla fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinaba. Et Béla mourut, et Jobab, fils de Pera de Botsra, régna en sa place. Et Jobab mourut, et Uzam, du pays des Thémanites, régna en sa place. Et Uzam mourut, et Ada fils de Béda régna en sa place, qui défit Madian au territoire de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Et Ada mourut, et Sanla, de Masreka, régna en sa place. Et Sanla mourut, et Saül, de Rebot du fleuve, régna en sa place. Et Saül mourut, et Baalanan d'Akbor régna en sa place. Et Baalanan mourut, et Ada régna en sa place. Le nom de sa ville était Paï, et le nom de sa femme était Béel, qui était fille de Matred, et petite-fille de Mezab. Enfin Adam mourut. Ensuite vinrent les ducs d'Édom, le duc Anna, le duc Elia, le duc Jetet, le duc Aolibama, le duc Ella, le duc Pinon, le duc Kenaz, le duc Téman, le duc Mibtsar, le duc Magdiel, et le duc Hiram. Ce sont là les ducs d'Édom.